tous les anges disent sans à toi qui sièges sur le saint trône. Louange, honneur, puissance et gloire et autorité. Par cette merveille, ton peuple chante ton amour et ta sainteté. Et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fut un chemin assez que l'on méprisait. Tu accordes à tes bienfaits ta grandeur, tous les Shut up.